Au bureau de poste. C'est un télégramme pour l'étranger. Il n'y a pas un formulaire spécial? Non. Alors, tu mets l'adresse là. Là où ça dit destinataire? Oui. Et écris en majuscule. Voilà, c'est fait. Et maintenant, ton texte. Prolongeons. Ça s'appelle avec un E. Oui. Prolongeons séjour en France 15 jours. Serons de retour fin du mois. Prière de continuer soigner chat. Merci, amitié, signé Delon. Oh, j'oubliais. J'ai une lettre à mettre à la poste. Elle est urgente? Oui. Alors je l'envoie au tarif normal. C'est plus cher? Oui. Mais la lettre arrive plus vite que si on l'envoie au tarif réduit. C'est très urgent. J'écris à l'usine pour leur demander des renseignements sur un nouveau modèle de vélo.